vendredi 12 octobre, pour aller plus loin. Lisez Ellen G. White dans Conquérant Pacifique, pages 63 à 70 et pages 265 à 273 dans Conquérant Pacifique. Le Seigneur désire que les serviteurs qu'il s'est choisis apprennent à unir harmonieusement leurs efforts. Il peut sembler à l'un d'entre eux que le contraste entre ses dons et ceux de son compagnon de service est trop grand pour leur permettre de collaborer sans heurts. Mais tous deux doivent penser à la variété des esprits auxquels ils auront affaire. Certaines personnes rejetteront le message de l'un, mais ouvriront leur cœur à l'Évangile tel qu'il leur sera présenté par l'autre. Lorsqu'ils auront compris cela, ils se mettront ensemble au travail, le cœur plein d'espoir, leurs talents, quoique divers, seront sous le contrôle du même esprit. Chacune de leurs paroles et chacun de leurs actes révéleront la bonté et l'amour. Si tous les serviteurs de Dieu accomplissent leurs tâches avec fidélité, la prière du Christ pour l'unité sera exaucée et le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. Quelques questions pour méditer. La question de faire ce qui est bon à leurs yeux n'est pas nouvelle. Le postmodernisme, qui remet en cause l'idée d'une seule autorité centrale et globale, pourrait bien ouvrir la voie au genre d'anarchie morale contre laquelle la Bible nous met en garde. Comment, en tant que chrétien et en tant qu'Église, affronter ce genre de défi? Pensez à l'histoire du roi Roboam et à la division d'Israël. Quelles leçons peut-on en tirer pour nous aujourd'hui? Que peuvent faire les dirigeants et les membres d'Église pour prévenir les querelles et les clans dans une église locale? Est-ce si important de régler ces questions avant qu'elles ne prennent de l'ampleur et s'enveniment? Comment, en tant que membre d'église, faire attention à ne pas tomber dans ce piège qui fut fatal pour certains à Corinthe? Étudiez le contexte du passage sur la discorde dans Proverbe 6, les versets 16 à 19. Comment en tirer des leçons pour empêcher la discorde dans votre église locale? En résumé, la Bible évoque des situations qui ont conduit à la division. Quand le peuple de Dieu vivait dans l'obéissance fidèle, les risques de division étaient fortement réduits. Les exemples de l'époque des juges ainsi que du règne de Roboam ont ouvert la voie à la division. Même à l'époque du Nouveau Testament, le potentiel de division était toujours là. Une juste compréhension de la parole de Dieu ainsi que les efforts sanctifiés pour s'y conformer, constituent la meilleure protection contre la division et les schismes qui nous menacent.